Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Bonjour, aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Atta Québec, nous aurons une entrevue avec le directeur général de NEFTI Fondation Canada, M. Mathieu Papillon-Darvaux, à propos de la quinzaine du commerce équitable. Et puis ce sera l'éditorial de Claude Vaillancourt en première partie d'émission. Et en seconde partie, ce sera la chronique de Renaud Blais et son invité. Le Grain de Sable d'Atta Québec. Alors, bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui est avec vous encore une fois aujourd'hui en ce samedi midi pour l'édition du Grain de Sable en ce magnifique 20 avril. Et je vous souhaite la bienvenue, c'est la première fois que vous écoutez l'émission Le Grain de Sable. Donc, c'est un magazine socio-économique qui est réalisé par les membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne qu'on connaît sous le nom d'Attaque Québec. Et alors, cette semaine, nous recevons le directeur général de NEFTI Fondation Canada, M. Mathieu Papillon-Darvaux. Et ce sera, comme je le disais, à propos de la quinzaine du commerce équitable. Et on aura également l'habituel éditorial de Claude Vaillancourt, qui est le président d'Atta Québec. Puis, en deuxième partie d'émission, Renaud Blais donc, nous présente à son tour un entretien qu'il y a eu avec une Tunisienne qui vit au Québec depuis plusieurs années. Alors, restez à l'écoute. D'abord, on commence en chanson avec une chanson sur la thématique du commerce équitable. Donc, ça s'appelle « L'équité contre », une chanson qui accompagne un dessin animé des artisans du monde. Une année, le paysan a travaillé, un matin a porté sa récolte au marché. Coton, banane, cacao et café, toute une année à trimer, qu'est-ce qu'ils lui ont donné? 3 $, oui, 3 pauvres petits dollars, pour une année à trimer, 3 pauvres petits dollars. Il porte un grand chapeau, il est blond et bien habillé, il parle anglais, l'homme qui achète le café. Coton, banane, cacao et café, une petite heure à bosser, combien a-t-il gagné? 3 000 $, oui, 3 fois 1 000 $, en une petite heure, 3 000 $, il a gagné. 3 000 $, oui, 3 fois 1 000 $, en une petite heure, 3 000 $, il a gagné. Coton, banane, cacao et café, pour traverser l'océan, un mois, il faut compter. Et grâce à Internet, en 2 secondes et 2 clics, l'importateur touche encore plus de fric. Voilà le grand patron qui se met à hurler, le prix de ses ouvriers nous fera perdre le marché. Regarde sa Rolex, zut, il est déjà tard, son chauffeur le ramène à sa villa de star. 3 000 $, ça ne leur suffit plus, ni même 1 000 000, il en faut toujours plus. 3 000 $, ça ne leur suffit plus, ni même 1 000 000, il en faut toujours plus. Intervient un expert très calé qui va examiner notre grain de café. Avec un rien de chimie et de biogénétique, je le rends un peu nocif, mais bien plus attractif. Dans la pub télé, une très grande actrice vient monter les mérites de ces grains magnifiques. Sous une pluie de café, elle joue les divas, et pour 3 petits pas, des millions à tout ça. Voilà qu'un seul petit grain de ce café a plus de valeur que le paysan sa récolte et son champ. Voilà qu'un seul petit grain de ce café a plus de valeur que le paysan sa récolte et son champ. L'exportateur de plus en plus riche, l'importateur de plus en plus prospère. Le grand patron a retrouvé le sourire. devenir l'expert. Ne bois plus de café. Impresario, actrice, metteur en scène et banquier sont tous plus heureux et plus fortunés. Pour tout son dur travail, le paysan ne touche toujours que 3 dollars et un maigre pourboire. Pour tout son dur travail, le paysan ne touche toujours que 3 dollars et un maigre pourboire. Alors, vous venez d'entendre la chanson « L'équité conde », une chanson donc qui accompagne un dessin animé des artisans du monde et qui reflète un peu le sujet d'aujourd'hui, donc du commerce équitable. Et pour en parler, j'ai avec nous le directeur général donc de la fondation NAFTI, donc NAFTI Fondation Canada. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc vous avez fini les études au baccalauréat en études internationales et langues modernes avec une mineure en développement et tiers-monde, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, donc avant de... Et vous avez également passé 5 mois en stage, donc dans une des régions de NAFTI Fondation Canada. Donc, évidemment, on parle d'un organisme de coopération internationale. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, vous avez quand même été gestionnaire de projet, en tout cas de ce que je peux voir un peu de votre CV, beaucoup de choses administratives, de communication également. Donc, alors c'est un peu, qu'est-ce qui vous a poussé un peu à vous intéresser à la coopération internationale? Bon, en fait, c'est les enjeux du développement, hein. C'est vraiment ce qui m'a, c'est un beau domaine, c'est un beau métier, on rencontre plein de gens, on fait des beaux projets, donc c'est un peu ce qui me fait rester dans le domaine, en fait. Oui, alors vous êtes un passionné. Tout à fait. Et donc, vous êtes directeur général, comme je le disais, de cet organisme-là, donc NAFTI Fondation Canada. Donc dans un premier temps, peut-être nous parler davantage de l'organisme, puis un peu ses liens justement avec la quinzaine du commerce équitable. Oui, tout d'abord, je dois préciser que la quinzaine du commerce équitable est organisée par plusieurs organisations et non seulement celle de NAFTI Fondation Canada, qui est la mienne. On travaille énormément avec l'AMI aussi, qui est quand même connue à Québec, et qui durable. Ce sont nos deux collaborateurs là, à la quinzaine. Donc... Mais si je peux parler un peu plus de NAFTI, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc oui, on est un organisme de coopération internationale. Notre mission à la base, c'est de faire avancer l'éducation, promouvoir la santé et aider au développement économique. On réalise cette mission-là par 4 secteurs d'activité. Donc le premier qui est la coopération internationale, qui comprend plusieurs projets de développement. L'année passée, on peut mentionner qu'on a construit un centre de santé dans la région de Ngambitikar au Cameroun, qui est un de nos premiers projets qu'on a réalisé avec fierté. Cette année, on a un projet pour fournir de l'eau aux producteurs de la coopérative avec qui on est partenaire. Donc, les producteurs de café? Les producteurs de café, exactement. On a aussi un projet de développement d'une ferme de volaille communautaire en collaboration avec le Club Rotary de Beauport, ici. Ah, oui. Donc, c'est tous des beaux projets qui s'en viennent. Ah, oui, alors, certainement, avec des beaux défis. Tout à fait. Aussi, on a le secteur des stages internationaux, donc on envoie un minimum de 12 personnes par année en stage, effectuer des stages un peu reliés au domaine des services sociaux, donc comme prévention du VIH/SIDA, enseignement des droits humains. Beaucoup de stagiaires vont travailler en lien avec le secteur de commerce équitable également. Donc, on envoie trois cohortes par année de 4 personnes environ. Quand même. Puis je pense que ça peut être crédité à un certain un type de baccalauréat à l'Université Laval, je crois. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des conditions mais à respecter pour les crédits. Mais oui, nos stages sont effectivement créditables. Ce qui donne des beaux avantages aux étudiants. Oui, ça peut être intéressant. Oui. Comme toute bonne ONG qui se respecte, on a aussi un secteur d'éducation du public, de sensibilisation. La quinzaine du commerce équitable tombe dans ce secteur d'activité-là. On pourra en reparler plus tard. Mm-hmm. On a aussi le secteur de commerce équitable. Donc, notre implication directement au sud, on fait affaire avec une coopérative de petits producteurs de café d'environ 200 membres. En fait, on peut dire que c'est plus 200 familles de membres qui font partie de la coopérative. Notre travail en commerce équitable, NAFTI Fondation Canada, ça, notre spécification, c'est qu'on n'a pas encore de produits. Notre travail en commerce équitable, c'est qu'on vient en appui à la coopérative de producteurs de café pour leur démarche, pour l'obtention de leur certification équitable. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait sur le terrain. Et c'est ça qui motive, en fait, l'organisation à s'impliquer dans la sensibilisation du commerce équitable au Nord. Parce qu'on pense que par cette implication-là, on peut faire connaître notre coopérative partenaire au Sud. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des objectifs précis? Donc, ce serait quoi les objectifs que vous poursuivez? Oui, tout à fait. Ben, la Quaisonne, en fait, a des objectifs plus généraux et plus précis aussi. Si on parle des objectifs plus généraux, ben, en premier lieu, c'est de soutenir effectivement les petits producteurs au Sud en posant un geste de solidarité ici au Nord. C'est aussi de sensibiliser à l'engagement et à la responsabilité sociale, dont celle des entreprises, et permettre aux gens de devenir des consommateurs et de promouvoir le développement durable. J'aime beaucoup votre concept de consommation. Donc, c'est comme on a comme un pouvoir en tant que consommateur. Tout à fait, oui. Exactement. Très en fait, c'est un pouvoir de choix. Oui, oui. Mm-hmm. Pour soit on décide d'aider, de continuer à acheter juste un produit sans nécessairement valeur aucune, comparément à aider des gens au Sud qui travaillent très fort pour produire notre café le matin. Donc, c'est comme vraiment un impact au niveau dans la vie de ces gens-là, de ces producteurs-là aussi. Tout à fait. Mm-hmm. D'où l'importance de la sensibilisation ici au Québec. Tout à fait. Et à votre avis, c'est quoi le poids du commerce équitable dans l'économie actuelle? En fait, si on prend les statistiques de 2011, hein, on a un peu un jet lag, en fait, excusez-moi l'expression, dans les données. On n'a pas celle de 2012 encore, ça devrait sortir dans les prochains mois. Mais on estime les ventes de détail à 300 millions de dollars canadiens par année au Canada, en termes de commerce équitable. À l'international, c'est proche de 6 milliards de dollars canadiens de recettes en commerce équitable. On a le Fair Trade Labeling Organization, qui est l'organisme certificateur des petits producteurs du Sud, un de ceux. Donc, selon leurs chiffres à eux, on compte présentement à peu près 827 organisations de producteurs certifiées dans 58 pays, en développement présentement. Ça représente à peu près 1,2 million de producteurs qui vivent du commerce équitable. C'est quand directement. Même beaucoup, hein? Beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis on a un chiffre ici de 2009, mais en ajout aux bénéfices du commerce équitable qu'on parlera un peu plus tard, c'est approximativement 69 millions de dollars canadiens, je le mets en canadien, qui ont été distribués aux communautés pour des projets de développement en santé et en éducation pour les proches, les familles des producteurs et tout ça. Donc, c'est vraiment des retombées au niveau aussi plus collectif. Tout à fait. Puis ça, on pourrait dire que c'est les retombées au Sud, ça a aussi des retombées au Nord. Il y a beaucoup d'organisations comme Équi Durable ici à Québec. On a Centropole à Montréal. C'est des gens qui vivent du commerce équitable. Ça crée des emplois. Le fait qu'on importe le produit du Sud et qu'on l'amène ici au Nord, toute la transformation se fait ici au Nord. Donc, ça fait travailler beaucoup de gens dans le secteur du commerce équitable. Donc, c'est vraiment un échange commercial pour tous, si on peut dire ainsi. Un peu, parce qu'il y a quelques années, là, peut-être une vingtaine d'années, ça n'existait pas beaucoup. Là, c'était très marginal. Oui, tout à fait. Puis, on peut dire que le nombre augmente d'année en année, tout ça, au point où il y a beaucoup de multinationales et de grosses compagnies là, qui sont un peu appropriées le logo, ce qui fait mal aux petits magasins spécialisés. On peut penser ici à Starbucks, Ben & Jerry's, Cadbury aussi. Cependant, là, avec ces multinationales-là, on peut se poser une question en termes éthiques. Est-ce que c'est vraiment du commerce équitable qu'ils font? Donc, on peut se la poser, celle-là. Dans le fond, vous mettez un point d'interrogation sur le logo de multinationales. Ça pourrait être une autre entrevue, une autre discussion. Okay. Mais quand même à garder en tête, pour ceux qui nous écoutent, à garder en tête. Tout à fait. Moi, j'encourage la recherche derrière le principe du commerce équitable, si les gens veulent se procurer un produit de ces marques-là. Donc, peut-être des logos. Peut-être qu'on va en reparler un peu plus tard, certains logos. Mais c'est pourquoi je proposais que, si les gens veulent vraiment s'assurer que leur produit est équitable, de vraiment aller vers les boutiques plus spécialisées en ce sens. À Québec, on a Équi Durable. On a l'auberge L'Autre Jardin aussi, qui est la seule auberge au Canada à être 100% équitable. Ah oui? Tout à fait. L'auberge L'Autre Jardin. Oui, c'est situé sur le boulevard Charest. On a aussi la boutique Equimonde qui fête ses 10 ans cette année, qui vend des produits équitables. Mm-hmm. Dans les autres villes, à Montréal, on a Centropole, Direct Terroir, et il y a aussi à Drummondville et Kikosta là, qui vendent des produits équitables. Ah bon, mais merci pour de ces informations précises, et on va pouvoir les rechercher, ces produits-là. Et ben j'aimerais ça qu'on parle des arguments. Donc justement, des fois, bon, on est peut-être un petit peu perdu, on ne sait plus qui croire des fois. Donc, quel mm-hmm. argument qu'on peut prendre en faveur d'une augmentation de son importance dans la consommation? En fait, moi, j'argumenterais les premiers arguments que j'utiliserais, en fait, c'est la qualité. Acheter équitable, ça veut aussi dire acheter un produit de qualité. Pourquoi la certification certifie que plusieurs normes sont dans la confection du produit? Récemment, deux scandales ont attiré mon attention. On peut penser à certains principes du commerce équitable là, qui se transforment en normes dans la certification. On a un juste prix pour le travail des producteurs couvrant le minimum de tous les frais de production. On a des conditions de vie de travail respectueuses des droits humains. Une égalité entre les sexes et la suppression de la discrimination. Un commerce plus direct avec les importateurs. On a la prime du commerce équitable aussi qui permet un investissement dans des projets de développement pour la communauté. On a un engagement à long terme de la part des importateurs. On a des pratiques agricoles qui respectent l'environnement. Une gestion démocratique aussi. Hein, le commerce équitable fait affaire avec des coopératives, donc il doit avoir une saine gestion démocratique dans la coopérative. Ça donne aussi un accès au microcrédit. Donc, c'est quand même, je pense, des bons arguments. Il y a aussi que ça nous permet, nous, en tant que consommateurs, de vraiment poser un geste de solidarité concret en achetant équitable. Ça peut paraître minime d'acheter un sac de café équitable ici comme effort à faire de notre part, mais ça peut avoir de très grosses répercussions là, dans toute la chaîne du commerce équitable. Oui, alors à ces vendeurs. Et est-ce que vous ne disiez pas que les achats individuels ou si vous cherchez à influencer aussi les achats des entreprises et des gouvernements, parce que on a parlé un petit peu, ben, comment savoir que j'achète équitable. Mm-hmm. Donc, vous nous avez nommé un petit peu les boutiques où on peut en trouver plus spécialisées, faire une recherche, puis s'assurer qu'il y a vraiment le logo là, de la certification équitable. Oui. Puis, mais comment on peut influencer les entreprises et gouvernements maintenant? En fait, pour la quinzaine du commerce équitable, comme le comité coordonnateur cette année s'est donné une thématique qui va durer pour les trois prochaines années, qui est pas à pas vers une ville équitable. Donc, on veut faire de Québec une ville équitable. C'est un souhait pour l'instant, mais on sait que, bon, on a Sherbrooke qui présentement a reçu la certification de ville équitable. On a Trois-Rivières qui est en train de le faire. On vient d'apprendre la semaine dernière, là, c'est tout beau, tout chaud, que Toronto est devenue une ville équitable, qui est quand même une assez grosse ville. Dans cet objectif-là, oui, on veut aller, on vise les achats individuels, c'est sûr, mais aussi, on veut convaincre les entreprises et les gouvernements de se procurer des produits équitables dans leur commerce ou dans leurs assemblées, si on veut dire. Et on a mis des activités en place justement pour convaincre ces gens-là. On a d'ailleurs l'équitable au boulot, qui est une activité clé en main. Dans le fond, c'est vraiment pour les employés des entreprises. Alors, le concept est que une entreprise peut nous approcher et nous demander de venir faire un équitable au boulot chez eux. C'est ce qu'on, nous, on charge 5$ par déjeuner, mais le déjeuner fournit du café équitable, des muffins équitables, des bananes et tout des produits équitables. Donc, nous, on arrive le matin, on s'installe dans le lobby d'entrée et on sert les employés au moment où ils arrivent pour déjeuner. Donc, ça, c'est un exemple d'une activité pour rejoindre quand même les entreprises. On a aussi une association qui a un an maintenant, l'Association québécoise du commerce équitable, dont NAFTI est membre. L'association, elle accompagne à chaque mois son équitable. Donc, à chaque mois, il y a un produit qui est mis en valeur. Donc, le mois présentement, le mois d'avril, ce sont les épices qui sont mises en valeur. Donc, on envoie des courriels bien souvent à chaque début de mois là, pour que les gens puissent se procurer ces produits-là en fonction de la campagne à chaque mois son équitable. Il y a aussi Kidurable qui propose les groupes d'achat. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça permet, les groupes d'achat? Ça permet de se regrouper plusieurs personnes ensemble pour justement payer. Bon, une commande peut revenir moins cher à 15 d'entre 15 et 25 % là, de rabais. Donc, c'est quand même intéressant. Ah, donc, oui, ça peut être un club social d'une entreprise, ça peut être plusieurs familles qui se regroupent ensemble pour acheter leur café. Donc, c'est un peu le principe. Est-ce que vous avez envie de nous parler maintenant de votre programmation de la quinzaine 2013? Oui, on est le 1er mai prochain de 11h à midi à la Corrigan, qui est située sur Dorchester. Notre lancement, dans le fond, c'est une conférence de presse où on convie bien sûr tous les médias, mais la population aussi qui est intéressée par le sujet du commerce équitable. Donc, ça va durer une heure à peu près, là, de 11h à midi. On a aussi le 3 mai, à l'Auberge Autre Jardin, un 5 à 7 pour fêter les 10 ans de la boutique Équimonde. Donc, les gens vont pouvoir déguster des produits, visiter la boutique et voir ce qu'elle a à offrir. Et finalement, le 15 mai, de 17h à 19h encore à la Corrigan, on a une table ronde. Ça, c'est un peu dans l'optique de notre thématique cette année. Le titre de la table ronde, c'est « Vers une ville équitable ». Donc, on va avoir justement Trois-Rivières, Sherbrooke. On a le président de l'Association québécoise du commerce équitable qui vont être là pour parler de leur vécu dans le dossier « Ville équitable », qu'est-ce que ça peut rapporter et tout ça. Donc, ça va être super intéressant. Tout à fait. Et finalement, le 17 et 18 mai, à la place Saint-Roch, on a un marché saveurs et découvertes avec une vingtaine d'exposants qui offrent des produits tant locaux qu'équitables. Donc, les gens peuvent venir nous rencontrer et voir les produits équitables qui sont disponibles directement avec les commerçants ici. Et je suppose qu'on peut retrouver la programmation sur votre site? Oui, tout à fait. Ça va être mis en ligne, en fait, dans les prochains jours. Donc, sur NAFTI Fondation Canada. En fait, je vais vous donner le site de la quinzaine, qui est commerceéquitableqc.org. Vous allez avoir toute la programmation sur ce site-là. Alors, en terminant, en conclusion, par rapport au commerce équitable? Ben, en conclusion, c'est sûr que j'aimerais remercier tous les collaborateurs de la quinzaine du commerce équitable. On a Fairtrade Canada qui a été un bailleur de fonds, développement international des jardins. On a aussi Monsieur Raymond Côté qui est député de Beauport-Limoilou qui nous a beaucoup aidé cette année. Donc d'autres collaborateurs à venir. L'Auberge Autre Jardin aussi qui nous aide dans l'organisation. Donc merci beaucoup Monsieur Mathieu Papillon-Darvaux qui est directeur général donc de NAFTI Fondation Canada et bon succès avec cette quinzaine et tous les autres projets à venir. Ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et maintenant c'est déjà l'heure de l'éditorial du président d'Attaque Québec, oui. Claude Vaillancourt. Alors Michel, je me tourne vers toi. Oui Valérie, c'est l'éditorial de Claude Vaillancourt. C'était fort intéressant ce qu'on entendait à propos du commerce équitable. Je pense qu'il faut y penser effectivement. Mais là c'est un autre sujet dont va nous parler Claude Vaillancourt, un sujet qui soulève quand même beaucoup de questions. En fait, il y a deux sujets soulevés par Claude. On écoute ça. D'abord, des compagnies aériennes canadiennes qui engagent des pilotes étrangers pour le tiers du salaire des Canadiens, pendant que nos pilotes ont de la difficulté à se trouver du travail. Ensuite, la Banque royale du Canada qui a transféré des bons emplois en emplois temporaires pour travailleurs étrangers moins bien payés. On peut se demander comment ça se peut dans notre beau pays. Mais tout ça, c'est à cause d'un programme appelé le Programme de travailleurs étrangers temporaires. Le but, c'est de combler la pénurie d'emplois. Mais cet objectif a été rapidement détourné. On s'est rendu compte qu'on pouvait engager ici des travailleurs pour beaucoup moins cher. Alors, la concurrence entre travailleurs ne se fait pas seulement à l'échelle internationale. Par exemple, une compagnie canadienne qui irait s'établir en Chine parce que les salaires sont moindres, mais ça se fait maintenant à l'intérieur de nos propres frontières où des étrangers peuvent venir nous concurrencer sur le milieu du travail, travailler, faire la même chose pour un salaire nettement moindre. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça se retrouve dans les accords commerciaux. Dans l'OMC, le terme technique pour ça, on appelle ça le mode 4. Le mode 4 permet des déplacements temporaires de main-d'œuvre dans des conditions de travail et de salaire qui ne sont pas déterminées. En Europe aussi, il y a eu un scandale, la fameuse histoire du plombier polonais. Alors, c'était une directive qui s'appelait la directive Bolkestein, dans laquelle il y avait le principe du pays d'origine. Eh bien, selon ce principe, un plombier polonais aurait pu travailler en France

89.1. Alors bonjour, vous êtes de retour avec Valérie Blouin jusqu'à une heure avec l'émission Le Grain de Sable d'Atta Québec. Alors juste avant, vous avez entendu M. Mathieu Papillon-Darvaux, directeur général de NAFTI Fondation Canada, donc un organisme de coopération internationale. Et il nous offre, chers auditeurs, alors pour le premier auditeur qui est membre de la station de radio CKRL, alors on vous invite, vous allez gagner un sac de café équitable, gracieuseté de NAFTI Fondation Canada. Alors je vous invite maintenant à nous appeler au 418-640-1586, 418-640-1586. Le premier appel méritera ce sac. Et maintenant, je suis en compagnie avec notre chroniqueur Renaud Blais sur quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Bonjour tout le monde. Ça va bien, très, Renaud? Très bien. Oui. Très, très bien. Alors, on a très hâte de t'entendre, de nous parler de ton invité. Très intéressante entrevue. Alors, juste rappeler que Renaud est un militant altermondialiste depuis une douzaine d'années et indien inscrit en 2012 comme Huron-Wendat à part entière. Et voilà. Alors, moi, depuis des décennies que je me fais le promoteur de la reconnaissance et le respect de la diversité comme étant la nature même de la communauté humaine. Alors maintenant, je vous présente... l'objectif que je poursuis avec ma chronique est de vous présenter le point de vue de citoyens d'ici, immigrants de première génération. Ils ont conservé un très grand intérêt pour leur pays d'origine. Ils nous offrent un point de vue très différent de celui qui nous est servi par les grandes agences de presse et retransmis par nos grands médias à la solde des intérêts de leurs propriétaires qui les ont achetés pour mieux les contrôler. Alors cette semaine, j'ai rencontré Madame Samia Hasghi, Québécoise d'origine tunisienne. Je ne connaissais pas cette charmante et très généreuse jeune dame. De l'entrevue, j'ai dû faire de nombreux choix, très déchirants. J'aurais eu largement du matériel pour toute l'émission d'une heure. Alors, généralement, je commence par un extrait exposant le cheminement migratoire de la personne que je rencontre depuis son pays jusqu'à Québec. Cette semaine, je vous le résume très rapidement pour diffuser davantage d'autres moments de l'entrevue. Elle a quitté la Tunisie il y a 14 ans pour faire des études à Paris, parce qu'elle en avait les moyens. Elle se considère comme une réfugiée économique à cause de l'impossibilité de trouver du travail chez elle. Jeune, elle a connu, étant de Tunis, les révoltes qui ont mené au départ de Bourguiba, au coup d'État de Ben Ali. À Paris, elle s'y est mariée, a eu ses enfants. Comme la famille recherchait une complète sécurité qu'ils ne ressentaient pas en France, ils ont planifié une poursuite de leur migration. À cause en partie d'amis et de bien d'autres considérations, ils ont choisi le Québec, puis la ville de Québec. La petite famille est déjà ici depuis 4 ans. Passons sur le contexte qui a donné lieu à ce qu'on connaît en Tunisie, dans un climat de terreur où le pouvoir politique et économique est entre les mains de quelques-uns. Elle revient dans l'entrevue sur la formule du printemps arabe. Mon premier extrait expose ses vues des derniers moments avant le départ de Ben Ali. Alors on l'écoute. Pourquoi cette révolte est particulière? C'est parce qu'elle a eu lieu en 2010, 2011, et à cette époque-là, on a Internet et les réseaux sociaux. C'est la seule différence qu'il y a avec les autres révoltes que la Tunisie a connues avant. Personnellement, comment je l'ai vécu, c'est le jour où ça a commencé, donc le monsieur qui s'est immolé, il faut dire qu'il n'est pas le premier à s'être immolé, ni le dernier. Sauf que cet effet-là, il a été relayé dans les réseaux sociaux. Et c'était le jour où c'est arrivé, moi j'étais à Tunis. Et à Tunis, je garde mon ordinateur fermé, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je vis plutôt avec les gens. On n'a rien entendu parler. On vivait tranquillement, c'était le 17 décembre, les gens préparaient la fin de l'année. Rien ne changeait dans le paysage tunisien. Pourtant, les choses commençaient, la boule de neige commençait. Donc j'arrive à Québec le 23 décembre, et c'est là que je me connecte, et c'est là que je me rends compte de la gravité de la chose. Parce que j'ai vu les vidéos, mais sur place, j'ai rien entendu. Okay. Puis vous êtes donné là en visite ou... J'étais là en visite. Ouais, j'étais, mais c'était pas évident dans la rue. Du moins non, à Tunis. Du moins à Tunis, oui. J'étais à Tunis. Okay. Donc, préparer le mariage de ma cousine. On était en plein mariage. Réunion de famille. On était vraiment dans notre vie à nous. On ne s'occupait pas du tout de ce qui se passait dans le pays. Puis les gens préparaient les fêtes de fin d'année, vraiment. Donc il y en a même qui fêtaient Noël, chose qui ne se fête pas chez nous. On a toujours, toujours au prétexte à faire la fête. On entendait parler. Parce qu'ils en ont parlé aux infos. Parce que Ben Ali est allé, parce qu'il a vu que ça prenait de l'ampleur, donc il est parti visiter le monsieur, le blessé, sauf que le blessé était décédé quelques heures plus tard. Donc pour lui, pour Ben Ali et pour le système, bon, c'est un fait divers. Ben Ali s'est déplacé parce que c'est divers important. Voilà, ça s'arrête là. Les choses s'arrêtent là. C'est bon, on a fait le nécessaire et c'est tout. Sauf que les choses ne se sont pas arrêtées. Et donc le mouvement a commencé dans les petites villes. Enfin, les petites villes, les villes de l'intérieur, comme Sidi Bouzid, Tella. Et là, il y a eu une énorme répression policière. Il y a eu beaucoup de morts tombés sous les balles de la police. Tout était relayé par réseaux sociaux. On a presque assisté à la mort en temps réel. On voyait les gens mourir. On voyait des gens déchiquetés. On voyait des images incroyables. Et c'était la première fois. C'était le choc pour nous tous. On était 11 millions rués sur Internet à regarder ces images-là. Ils étaient une centaine à se faire tuer et nous, on était des millions à les regarder mourir. C'était vraiment ça. Même ceux de Tunis, ils regardaient sur Internet. On n'avait plus rien à faire de la télé. Puis des gens, il y a des gens qui commençaient à créer des pages sur Facebook pour pouvoir relayer ce genre d'informations parce que le mouvement continuait dans tout le pays. Et c'est justement grâce à cette chose-là que ça s'est relayé dans tout le pays. Mm-hmm. On dit, ah, eux, ils sont morts pour nous, pourquoi pas nous? Et ça s'est parti dans tout le pays. Le 13 janvier, c'est arrivé à Tunis. Donc ça a commencé le 17 décembre 2010. Le 8 janvier, il y a eu la fusillade, l'énorme fusillade. C'est là où il y a eu le plus de morts. Puis depuis le 8 janvier jusqu'au 14 janvier, le mouvement a... C'est éparpillé dans tout le pays. Donc, on arrive le 13 janvier, le président s'est senti... C'est là où il a commencé à sentir le danger. Donc, il a fait un discours improvisé. Pour la première fois de sa vie, il nous a parlé en dialecte tunisien. Parce qu'habituellement, il parle toujours en arabe littéraire, à peu près. Enfin, on lui écrit ses textes. C'est la première fois qu'il ne lit pas d'une feuille. Et qu'il nous parle directement à la télé, dans la langue tunisienne. Et on voyait qu'il n'était pas bien. Et le téléphone sonnait à côté de lui. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on... Lui, qui se fait toujours conseiller, il avait cette histoire de communication, et toujours une manière de s'habiller, une manière de se coiffer, une manière de se tenir, une manière de ranger son bureau. Lui, il parle et le téléphone sonne à côté. C'était spécial. Et nous, ben, nous on attendait ce discours, on était tous, quand je dis tous, c'est vraiment tous, dans le monde entier. Vous avez raison de vous révolter, il y a certaines choses que je n'ai pas compris, mais je vais corriger. Ah, mais c'est vrai, il y a eu une tente. Ouais, parce qu'à l'époque, il fermait certains sites internet, comme YouTube, par exemple. YouTube, il ne passait pas en Tunisie. Mais juste à la fin de son discours, pouf, YouTube marchait en Tunisie. C'était marrant parce qu'on rigolait, mais juste à la fin, tu vois les statuts Facebook. Hey, YouTube fonctionne. Hey, regarde, c'est génial, on va pouvoir écouter ça, on va pouvoir voir ça. Il dit, bon, je vais rattraper mon coup, ne vous inquiétez pas, on va tout organiser, on va tout faire, on m'a induit en erreur, je m'excuse, je vais tout rattraper, comptez sur moi, je suis votre homme, blablabla, blablabla. Qui était intéressant à voir, c'était la réaction des gens après. Il y avait juste après, donc retour de YouTube et de plein d'autres sites, on entendait, moi j'étais connectée avec, je parlais avec mon cousin dans une ville, mon autre ami dans une autre ville et notre ami dans une... Vraiment, j'avais toute la Tunisie au bout du clavier et tout le monde me disait la même chose. Il me disait, oh mais on entend quelque chose dans la rue, oh il y a des gens qui sortent. Ah, il y a des gens qui portent l'image de Ben Ali. Des gens qui disent, ah, oh, bravo Ben Ali, merci beaucoup. Donc, il y a des gens qui sont sortis dans toute la Tunisie pour dire merci à Ben Ali. Et ils faisaient toute la même chose, ils klaxonnaient avec leur auto. Partout. du nord au sud, de l'est à l'ouest, toujours le même mouvement, en même temps et de la même façon. Les mêmes images, les mêmes photos. Les gens étaient organisés. Il était 10h du soir en Tunisie, donc ici il était 4h, il était temps de rentrer chez moi. J'étais en larmes, j'en pouvais plus. Je dis, faut arrêter, là, des centaines de gens sont partis comme ça pour que ces espèces d'idiots sortent dans la rue et dire merci Ben Ali. Franchement, là c'est trop. Donc, j'ai tout fermé, je ne voulais plus entendre parler de la Tunisie. Je me suis couchée, je vois, un 14 janvier, 11h du matin en Tunisie. À peine j'ouvre mon monde, je me connais. Il y a mon ami qui me dit, Samia, tu peux être fière d'être Tunisien. Et là, j'ai vu que les gens étaient devant le ministère de l'Intérieur. Les gens sont allés manifester devant le ministère de l'Intérieur, pas devant le palais de Karthal, pas devant le palais présidentiel. Parce que les gens savent très bien par qui ils sont gouvernés. Mm-hmm. Ils sont partis dire « Dégage » à Ben Ali devant le ministère de l'Intérieur. Il n'était même pas là. C'est l'agent répressif qui était là. Exactement. Ouais. Dans quelques heures plus tard, bah, évidemment, je suis, tout le monde suit avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une grosse manifestation devant le ministère de l'Intérieur. Puis hop, la police. Par contre, la police a arrêté de tirer. Depuis le discours de Ben Ali, il n'y a plus de balles. Ils ont tiré à coups de bombes lacrymogènes et d'eau chaude, c'est tout. Il n'y a pas eu de balles. Par contre, il y a eu des morts, blessés de bombes lacrymogènes, piétinés, oui, il y avait des accidents comme ça. Et puis bon, à 5h de l'après-midi, couvre-feu, tout le monde... Alors, vous venez d'entendre un extrait, le premier extrait de l'entrevue de Renaud Blais, donc de Madame Shamia, et qui est d'origine tunisienne, et ça démontre un peu le début vraiment, Renaud, de la révolution, ou en tout cas le printemps arabe en Tunisie, mm-hmm. avant le départ de Ben Ali. Elle va revenir dans le prochain extrait sur sa façon de voir le printemps arabe. Mais en attendant, elle nous a suggéré une pièce musicale qui est d'un petit Québécois de Plessisville, qu'on va vous laisser entendre. Seul dans mon salon, je lis le journal et je soupire. Encore des nouvelles à la con, fallait bien que je m'attende au pire. Et tremblements de terre et corruption politique sont à la manchette. Je réagis à ma façon, à ce qui se passe sur notre planète. Et je me questionne vraiment à savoir où est-ce qu'on s'en va. Sans être spécialiste, je suis capable de dire que j'aime pas ça. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes repoussent les limites de l'enfer dans l'ignorance. Les dirigeants voient plus grand que leur pensent. À ma manière, je cherche à faire une différence qu'on pourra peut-être léguer à nos frères et à l'enfance pour être sûr de ne pas oublier. Que ce soit au bord de la mer ou en plein cœur de notre Québec national, levons-nous, levons nos verres. S'entraider serait juste normal, serait juste normal. Je suis très optimiste qu'un jour on trouvera la bonne piste. Regardons à l'avant pour qu'il y ait un vent de changement. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre, les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourds. Prendre un nouveau détour. Je rêve d'un demain qui sera juste et équitable. Se serrer la main pour arrêter tous les scandales. Je lève mon verre à ceux qui ont su rester debout et fiers. Je lève mon verre à une terre qui devrait être sans frontières. Je lève mon verre à ceux qui ont su ne pas se taire. Partout sur terre. Les hommes font encore plus de misère. C'est à notre tour d'arrêter de faire semblant d'être sourd. Prendre un nouveau détour. Oui, c'est à notre tour. Oui, c'est à notre tour. Alors, vous venez d'entendre « Je lève mon verre » de William Delaurier. Et vous écoutez Le Grain de Sable, et présentement, c'est la chronique de Renaud Blais sur la quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Et aujourd'hui, c'est en Tunisie que ça se passe avec Samia Hajgi, donc qui habite Québec maintenant depuis 4 ans. N'est-ce pas, Renaud? Oui, oui, oui. Alors, on vous prépare un deuxième extrait. Vous allez voir dans ce deuxième extrait, Mme Hajgi, elle émet des doutes quant aux possibles manipulations de l'extérieur pour le printemps arabe. Puis ceux qui aimeraient vérifier ces doutes, c'est la thèse émise par Ahmed Ben Sada, qui est un Québécois d'origine algérienne, qui est prof de physique à Polytechnique à Montréal, qui a publié « Arabesque américaine » chez Michel Brûlé, Montréal 2011. Il s'agit d'un travail minutieux de recherche universitaire. Il analyse depuis les révolutions des couleurs en ex-Europe de l'Est, la Yougoslavie, jusqu'au dégage, les diverses contributions d'organismes publics et privés des États-Unis, de la réalité, pas du complot. Alors, on a un deuxième extrait à vous faire entendre. On l'écoute. Révolte qui a fini par évoluer en révolution. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se demandait, mais c'est quoi qui nous arrive? C'est quoi? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est vraiment le printemps arabe? Est-ce que c'est vraiment la révolution du jasmin dont on parle? Parce que, oui, le mouvement a été contagieux à l'Égypte. On voyait l'Égypte. Puis ça a marché en Égypte. Ouf! La Libye. C'est là qu'on a commencé à parler printemps arabe. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi je n'aime pas le printemps? Je n'aime pas qu'on parle du printemps arabe. À mon avis, la révolte tunisienne, elle était peut-être organisée. Le gros, énorme point d'interrogation, c'est pourquoi Internet n'a pas coupé. Ils auraient très bien pu couper Internet. Comme ils l'ont fait en Égypte, même. Comme ils l'ont fait en Égypte. Donc ça, je me dis, quelque part, il y a quelqu'un qui a voulu que les choses se passent comme ça. On ne sait pas qui. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé le 14 janvier au président. Pourquoi il est parti? Est-ce qu'il est vraiment parti parce qu'il a eu peur ou parce qu'on l'a mis dehors? Est-ce qu'il est vraiment parti parce qu'il s'est senti menacé parce qu'il ne pouvait rien faire? Ou est-ce qu'on l'a poussé? On ne sait pas. On a essayé de le savoir, mais on ne le saura jamais. Par contre, ce qui s'est passé en Égypte, on commençait à sentir la manipulation. Et l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie. L'Égypte, c'est 80 millions de personnes. L'Égypte, c'est aux portes d'Israël. C'est pas la même chose. On se dit, c'est vrai, le mouvement a été peut-être un petit peu aidé en Tunisie, il a été poussé en Égypte, et en Libye, il a été carrément manipulé. C'est quelqu'un qui a pris les marionnettes et qui a fait jouer tout ça. Puis à partir de la Libye, là, on a commencé à parler de la révolte du printemps arabe. Là, ça commence avec la Syrie, tout ça. C'est des gens, c'est des manipulateurs qui essayent d'installer d'une manière ou d'une autre la pagaille dans cette région. Ce n'est plus la révolte populaire. On ne parle plus de démocratie. On ne parle plus de révolution. On parle de pagaille, de chaos et de gens qui meurent et c'est tout. C'est parce que c'est ce qu'on veut. La Tunisie s'est un peu échappée à ce modèle-là. On a été un peu protégé par le fait qu'on soit un petit pays pauvre, qu'on soit pas nombreux. On n'a que notre code de statut personnel comme chose précieuse qu'on veut garder. Mm-hmm. Mais pour le reste, on est comme les autres. On n'intéresse pas vraiment. Donc, à partir de du 14 janvier, pour nous, quand on a vu Ben Ali partir, ce jour-là, on ne cherchait pas à savoir pourquoi il est parti, comment. Maintenant, on est face à nous-mêmes. C'était très bizarre de dormir et de se réveiller le 15 matin et dire « Waouh, on est dans un pays où il n'y a pas Ben Ali. La Tunisie n'est plus gouvernée par Ben Ali. » C'est quelque chose. C'est vraiment magique. C'est presque magique. Et c'était un sentiment extraordinaire qui a fait de nous de vrais soignants. On a commencé à s'interroger sur qu'est-ce qu'on est, qui on est. C'est qui le citoyen tunisien. Donc à partir du 15 janvier jusqu'à mars-avril 2011, on a commencé à avoir des débats, des discours vraiment impressionnants. On se posait des questions très intéressantes. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les dangers? On se sentait vulnérables, mais en même temps, on était unis. On savait qu'on était capable de faire tout. On était capable de tout faire. Allez, on s'organise. Allez, des commissions pour chercher qui a tué les... Une commission pour organiser les élections, pour organiser le futur de ce qu'on va devenir. Une autre commission pour organiser les médias. Parce que les médias, elles ne savaient plus sur quel pied danser. Ils n'avaient plus de patron. Et en même temps, ce qui se passait dans la société, les gros dirigeants commençaient à se faire chasser à coups de pied. Les dirigeants régionaux. Les dirigeants régionaux, les dirigeants des grandes entreprises, les dirigeants de la caisse d'assurance maladie. Donc pas juste l'économie, pas juste la politique non plus, les deux. Oui, les deux, parce que tout est lié. Parce que le directeur de la caisse de société, de la caisse d'assurance maladie, il doit forcément avoir un lien avec le président, sinon il ne sera jamais directeur. Tout ça, les gros dirigeants commençaient à... Il y en a qui prenaient l'air, évidemment, il y a beaucoup de corruption. Et il y a des commissions qui vont enquêter sur la corruption, donc tout le monde partait. Et des PDG, des directeurs qu'on dégageait, que dégage, le mot dégage est devenu une force. Les employés qui arrivent à 8h du matin pour travailler, dégage, dégage, ils dégagent le directeur. Donc c'était un peu en même temps sur il y avait le chaos total dans le pays. La police ne travaillait plus parce que les gens disaient dégage aux policiers. Donc les policiers, les prisons, il y avait des fuites. 3000 prisonniers qui se sont évadés entre la nuit du 14 et du 15. Donc énormément de pillages de magasins, de vols de voitures. Ce qui s'est passé, durant cette semaine, il n'y avait pas de police. Il n'y avait que l'armée qui était là, mais l'armée tunisienne, on entend à peine parler. On ne sait même pas combien ils sont, quels sont les moyens qu'ils avaient. Donc les gens s'organisaient pour protéger leur propre quartier. En heure de couvre-feu, tout le quartier qui s'organise, tout pour protéger les biens des autres. Donc ça a créé une solidarité incroyable. Et à l'époque, les gens, les magasins étaient fermés, donc il manquait pain, des bébés qui manquaient de lait, donc les gens s'organisaient entre eux. Et ça a créé une dynamique incroyable. Incroyable. Je me souviens de cette semaine-là où j'appelais ma mère qui dormait avec un couteau de cuisine sous l'oreiller, mais en même temps, c'est son voisin qui lui amène son pain. C'est incroyable. On ne sait pas s'il faut pleurer ou rigoler ou s'il faut être tranquille ou inquiet. C'est vraiment un traumatisme. Tous pareils. Pas la seule. On était tous la même situation. Et en même temps, on réfléchissait. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le régime politique actuel, est-ce qu'il est bon? Est-ce que la constitution, est-ce qu'on va la revoir? Mais oui, il faut la revoir. Donc on sort tous les gens de l'université. Tu sais, les spécialistes. On a beaucoup de spécialistes en droit constitutionnel. Ils étaient tous les jours à la télé, à la radio, et il parlait au monde, il parlait aux Tunisiens. Voilà ce qu'il faut faire. L'autre qui lui dit, non, il ne faut pas faire ça. Il dit, ah, il faut faire ça. C'était vraiment un gros chantier. Et en même temps, la société civile s'organisait. Aucun sens du voile islamiste. Aucune valeur, entre guillemets, du voile islamiste. Porter le voile pour porter le voile parce qu'il est permis de porter le voile. C'est parce qu'il était interdit sous Ben Ali. Parce qu'il était interdit sous Ben Ali. C'est pas parce que quand vous voyez les femmes tête nue en Tunisie parce qu'elles sont évoluées et tout. Non, non, non, il était interdit sous Ben Ali. Et Chokri Belaïd, celui qui a été assassiné, était parmi ces gens, parmi les porteurs de ces valeurs de l'opposition, des idées du renouveau. On a fini avec Bourguiba, on a fini avec Ben Ali, on veut aller de l'avant. C'est pour ça que je vous dis, la synthèse que je vous disais, c'est vraiment Chokri Belaïd qui l'a fait. Donc il y a le courant des islamistes qui commence à prendre place. Mais aussi, de l'autre côté, il y a l'autre courant qui aussi se défend très bien. C'est oui, on sait très bien ce qu'il a apporté, on sait très bien ce qu'il a mal fait. Maintenant, c'est une autre génération. La révolution, elle est là. Chokri Belaïd, il est toujours au cœur d'un mouvement révolutionnaire, un véritable mouvement révolutionnaire. Faites-moi une perspective d'avenir. Comment vous voyez les prochaines années, les prochains mois? Cette dynamique dont je vous parle, elle est essentielle parce qu'on est resté dans cette... on s'est dit, on est capable d'être soudés et d'être intelligent et de pouvoir... Donc c'était une redécouverte par elle-même de la société civile. Exactement. On est capable de s'organiser, on est capable de gérer nos problèmes. On veut plus d'endettement. On veut faire la guerre au FMI et à tous ces organismes-là. On a notre richesse, on a une agriculture qui est magnifique. Tout, on a tout dans un pays. On est capable de vivre par propres moyens. Donc on va se battre pour ça. Ce que je vois de nouveau en plus en Tunisie, c'est qu'aujourd'hui on voit des hommes qui s'affichent comme défenseurs de droits de la femme. Avant, ça se faisait pas. Et les hommes donnent ça à leur image, ça leur donne un plus, ça leur donne une valeur. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'affichent comme ça. Effectivement, le mouvement féministe commence à monter en même temps que la révolution culturelle. Je crois que il fait partie d'un tout. C'est une révolution de mentalité. Et tout ça prend son essence de ce fameux sentiment dont je vous ai parlé, cette solidarité, ce sentiment de citoyenneté qu'on a soudain senti tous ensemble. Entrevue fort intéressante entre nous, hein, n'est-ce ouais, pas? Ouais, mais ça, ouais. On a vraiment une autre perspective. Ah ouais. Juste un petit mot, quand tu parles du code de statut personnel, soyez attentifs parce que ça fait partie des débats très, très d'actualité en Tunisie. C'est ça qui donne aux femmes le statut d'égalité, là. Le code de statut personnel. Puis ça fait des débats là, avec la constituante qui est très divisée présentement. Alors, chères auditrices et auditeurs, c'était un point de vue bien informé sur la révolte puis la révolution en Tunisie. Étrangement, un point de vue que nous n'entendons que très peu dans les grands médias. Alors, au grain de sable et chez Attaque, en général, nous n'en sommes pas surpris. Constatons encore une fois qu'heureusement que des médias alternatifs sont là pour compléter l'information orientée dans l'intérêt des grands possédants. Et c'est sur ces mots que je vous donne rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup, Renaud. Toujours très intéressant, vos invités et qui nous ouvrent vers d'autres mondes, en fait, d'autres sociétés. Et voilà, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Et vous mentionner que rapidement, dimanche le 21 avril, il y a une marche pour la Terre à Montréal. Et il y a quand même quelque chose qui est organisé, des autobus qui sont organisés de Québec. Et il y a également une pétition que vous pouvez signer. Donc, dimanche 21 avril, marche pour la Terre. Donc, vous avez également le mardi 23 avril, forum sur le parvis d'égal à égal, tout en étant marginal, la Ligue des droits et libertés. Et également le mercredi 24 avril, une manif nationale pour un meilleur contrôle du coût des loyers, autobus à partir de Québec. Donc, peut-être un dernier avant la fin. Donc, le samedi 27 avril, donc manif nationale unitaire, non au saccage de l'assurance chômage et de l'aide sociale. Alors, voilà pour les événements à surveiller cette semaine. J'aimerais remercier le directeur général de NAFTI Fondation Canada, M. Mathieu Papillon-Darvaux, qui est venu en studio pour nous parler justement de son organisme et davantage à propos de la quinzaine du commerce équitable qui aura lieu du 1er au 15 mai. Merci également encore une fois à Claude Vaillancourt pour son magnifique éditorial et un grand merci encore une fois à Renaud Blais et son invité Samia Hachgi, donc une Québécoise d'origine tunisienne, pour sa magnifique chronique. Également, un grand merci à Michel Monette qui assure la réalisation et la mise en onde du Grain de sable. Merci infiniment. Et également, les choix musicaux. Pour nous réentendre, je vous invite à aller sur le site de CKRL au nom de l'onglet programmation où vous allez trouver notre nom, le Grain de sable, et pouvoir la réécouter en balado-diffusion. Vous pouvez également trouver l'émission sur le blog legraindesable.qc.ca. .qc.org, pardon, et également sur le site d'Attaque Québec, donc www.quebec.attaque.org. Et c'est le temps également de devenir membre d'Attaque Québec ou de CKRL, je n'y vais pas, allez sur le site et tous les renseignements sont là. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook et Twitter et nous écrire vos commentaires legraindesable@hotmail.com. Alors c'était Valérie Blouin qui était avec vous au micro à l'animation. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine, également semaine. Et maintenant, c'est le temps de céder les ondes à Olivia Vu, qui se retrouve aujourd'hui en direct au Studio P pour l'émission Contes de fées. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, samedi midi, même heure pour Le Grain de sable. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. CKRL 89.1 à Québec. L'événement Québec Danse à Québec revient en force pour sa deuxième édition qui sera présentée du 22 au 29 avril.